Mais là, il y en a un des deux, G.I. Joe. Ça, c'est le nom... D'un des deux gars. C'est-tu le nom qu'il y a sur le chèque, ça? Non, hein? Non, je pense pas. OK, c'est pas marqué G.I. Joe. Mais là, en fin de semaine, lui, il a posté une nouvelle vidéo où il dit, où il se plaint qu'il s'est fait couper son chèque de BS à cause des plaintes qu'il a reçues. Après la publication du premier vidéo là, tu sais, qui avait circulé, ils ont reçu des plaintes, puis là c'est ça a l'air que le ministère vient d'y couper son chèque de BS. T'es en train de dire que quand quelqu'un fait son SMAT et qu'il se dénonce lui-même comme étant un abuseur du système, ouais, des fois le système peut aller leur pogner par exact. Le collet. Parce que souvent, ils font des enquêtes dans ce temps-là, le ministère. Ils font des enquêtes puis ils vérifient des choses. Puis... Le système fonctionne. Ouais. Hey, c'est une maudite bonne nouvelle, à matin. Bonne nouvelle. Mais là, lui, évidemment, il fait pitié. Puis cette vidéo-là, il fait ça, là. Ça dure plus de 2 minutes. On vous a raccourci ça un peu, là. Et il passe son temps à essayer de se dépeindre en victime. Le show du matin prend des nouvelles des gens qu'on aime. Oui. Voici où sont devenus, voici ce que sont devenus nos deux gros BS qui étaient bien fiers de manger avec l'argent des travailleurs il y a quelques mois à peine. Bonsoir à tout le monde, ici G.I. Joe. Je suis pas mal découragé de la vie aujourd'hui parce que j'ai reçu une lettre par la marque comme quoi qu'ils vont me couper mon chèque de BS, j'aurais plus de droit à l'aide sociale à cause de mes vidéos. Puis ça me fait vraiment de la peine. Je trouve ça chien parce que c'est un personnage que je fais, tu sais, c'est pas vrai, là. Tu sais, je le mérite quand même, mon chèque, là. Je suis pas apte à travailler, là. J'ai des problèmes de santé, moi, là, comme tout le monde. Il y en a bien, là, qui sont sous BS, là, comme moi, puis ils ont des problèmes de santé, là. Tu sais, c'est pas drôle, là, ceux qui ont fait des plaintes. Je sais pas c'est qui, là. En tout cas, t'as pas manqué ton coup, hein, mon esti. Fait que c'est juste pour dire que va falloir que je me trouve un job, là. T'sais. Oh! Ça me coupe le souffle, ben poignée de travailler. Ça me coupe le souffle. Ah. Fait que y'a-tu quelqu'un qui va m'aider? Y'a-tu quelqu'un qui peut me donner. Faut que je trouve un job, là. Je suis fatigué, là. Fais moi ici au moins, là, juste pour que je survive un peu, là. Yeah. Et j'aurais besoin de plus que ça, même. J'aurais besoin de 1500, c'est pas maintenant. Bon. Pour m'arranger, me remettre sur pied, puis me trouver un job, puis tout, au moins un peu d'argent, tu sais. Fait que. Votre BS favori n'aura pas le choix d'aller travailler à cause des haters minables qui sont jaloux de mes vidéos. Vous avez le gong, là. Êtes-vous content? Cette gang de cave, scraper ma vie de main. Pas de cœur. Voici le genre d'individu qu'on crée au Québec. Quelqu'un qui se met dans marde lui-même en se dénonçant comme un abuseur de système. Il se fait pogner, il se fait couper son chèque, puis après ça, c'est de la faute de tout le monde, ouais. Sauf un. Ben oui. Lui. Sauf lui-même. J'ai amené mon sac de sympathie à matin. Ah oui? Je vais regarder s'il m'en reste un peu. Reste-tu un peu? Regardez dans le sac. Mais c'est ça l'affaire, tu sais. Man, y a rien. Non. Le sac est vide. J'ai pas de sympathie pour notre BS. Et puis en plus, sur le vidéo, il est habillé. Tu sais, les calottes de baseball, les calottes officielles de baseball. Oui. Ça coûte quoi? Ça 40-45$? Tu t'en sors pas en bas de 35. Il y a une calotte officielle des Red Sox, là, sur la vidéo, là. Tu sais, avec l'étiquette encore en dessous de la palette, là. Tu sais. Le gars, fait des vidéos, il écœure le monde. Il semble pourvu de beaucoup de temps libre, semble pourvu d'une certaine créativité. Excuse-moi mon pit, là, mais si t'es dans la situation que t'es aujourd'hui, pas de ma faute à moi, pas de la faute à Jérôme, pas de la faute à un sacrement de travailleur à matin, c'est de ta faute à toi! Il dit qu'il est malade, mais il a toujours bien le temps de produire des vidéos. Puis des gens malades qui travaillent, moi j'en connais. Moi. J'en connais plein. Quand même des gens qui ont le cancer, qui continuent à travailler, ça existe. Je te parle de gens que vous avez peut-être connus si vous êtes des auditeurs de choix depuis de nombreuses années, qui ont travaillé avec nous autres jusqu'au bout. Là. Qui étaient malades. Hein? Puis je connais des gens qui ont des handicaps physiques, qui travaillent en chaise roulante. Tout à fait. Il y a rien. Il y en a beaucoup, là. Je comprends qu'il y en a des gens qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment pas travailler, qui ont des problèmes très, très, très lourds, tu sais, qui ont pas le deux bras, le deux jambes, mais tu sais, de dire je suis malade, je peux pas travailler, c'est pas vrai que l'excuse tient à 100%, là. C'est pas vrai, ça, là. Je suis content qu'on ait pris des nouvelles ce content? Matin. Oui, oui, oui. Content de voir que le gars a compris. Ouais. De la faute à tout le monde. Mais c'est-tu vrai, d'après toi, cette vidéo-là? Est-ce qu'il niaise? Est-ce que le gars essaie tout simplement de... Peut-être juste de créer des phénomènes YouTube, puis une vidéo virale, puis faire parler de lui? C'est peut-être juste ça aussi, là. Je pense que le gars est dans un état où on appelle ça un état amérien-cadirien. Ouais. Ça, c'est un état où tu confonds la réalité et la fiction. C'est pas le fun. C'est un état où tu mêles tout. Tu mêles ce qui se passe dans ta tête, l'imaginaire et le réel. T'sais. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu des deux. Ouais. Donc c'est un syndrome amérien-cadirien. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ça, c'est là que tu commences à te perdre un peu entre ce qui est réel et ce qui est pas réel. Mais que ce soit réel ou pas, il existe un gars qui pense comme ça à quelque part ce matin à Québec. Il y en a là, des gens qui pensent comme ça. Pendant que tout le monde s'en va travailler, là, il y en a qui des vraies personnes qui ont réellement ce raisonnement-là, qui se disent bon. Ta barouette, mais t'es obligé de travailler, moi t'es obligé de me trouver une job, mon chèque de BS vient d'être coupé. C'est pas beau, là. Là, faut que je me trouve une job, là, parce que j'ai plus d'argent, là, j'ai le souffle coupé un peu. Ouais, j'en ai le souffle coupé. C'est pas le fun, là. C'est définitivement un gars qui avait trop d'heures dans ses journées, puis ben peut-être qu'on l'aurait échappé à la gang. Tu sais, platement parlant, moi c'est ce que je souhaite. C'est que ce gars-là, à un moment donné, se trouve une job, il dit « Hey, c'est le fun, gagner de l'argent. » Puis après ça, le vendredi soir, j'arrive, je vide une 24, je fais une vidéo pour faire rire mes chums. Ouais. Avec ma webcam que j'ai payée avec mon argent, puis ma connexion Internet que j'ai payée avec mon argent parce que j'ai travaillé toute la semaine. Ça me met bien à goutte meilleure. Hein? Ben oui. C'est moi qui l'ai gagné aussi. Ben oui. Ouais. Puis au lieu de faire 4 vidéos poche par semaine, ben là, j'ai le temps d'y penser un peu pendant que je travaille. Fait que j'arrive le vendredi, puis j'en fais un qui fait rire le monde. C'est ça. Tout est possible. Je ne souhaite que du bien à notre gros BS qui est forcé de retourner sur le marché du travail. Mais tu sais, le gars, le gars quand même le culot de nous demander 1500$ pour survivre. Ça y prend 1500$ pour se restarter. Ça y prend au moins 1500$ pour se trouver une job. Au moins. Au moins, là. Faire des CV, puis c'est sûr que c'est dur. Hein? Ah ben là, le monde, on portait plainte, là, tu sais. Ah oui, mais va t'acheter une chemise propre chez Walmart, là. À 29,99$, là, pis ça va être bien correct. Il y a un moment donné dans sa journée où il va réaliser que s'il avait pas fait des vidéos pour écœurer le monde, probablement qu'il aurait pu continuer d'abuser le système. Peut-être. Ça de même, là. Peut-être. Comme ben du monde, là. Hey, mon voisin de palier, quand j'étais à Jonquière, pis qu'on restait dans des et demi, là. C'était pas un 1, c'était pas un 2,5, c'était un et demi. Juste et demi. Il y a juste la demi, là. Ouais, tu chiais dans la cuisine pis quasiment, là. Ouais. Mais, le gars de l'autre bord, là, il y avait toujours bien 3 chèques de BS qui rentraient à la même place sous 3 noms différents. Il y avait 3, lui. Pis le gars restait pas mal tout seul. Ah ouais. Hein? Il y avait un gars. 3 noms, 3 adresses. Ouais, tu pourras trouver des 7-8 chèques différents, là aussi, là, qui rentraient, là, à certains endroits, là. Moi, le plus loin que je suis allé dans la fraude, c'est d'abonner Daryl Strawberry au Club Columbia. Ah, t'as fait ça, toi? Ben oui. Ah oui. Ben oui. Au cégep, on l'a tout fait. Tout l'alignement des expos était abonné au Club Columbia à Jonquière. Y a-tu quelqu'un qui a tout payé ses factures du Club Columbia? Ça existe-tu, ça? Puis, en sous-question, il vous court-tu encore après? Le téléphone sonne-tu encore chez vous? Les lettres du Club Columbia? Jusqu'à 7 pour une scène. Hey, puis on avait-tu l'impression de faire des bonnes affaires? Hey, qu'on faisait un livre. Là, on était dans le catalogue, puis là, on en sacrait. Hey, NXS, ça me prend. Ce cassette-là, tabarde.